Chapitre 9e. En apprenant cette nouvelle, M. Denys, qui n'avait été prévenu de rien, accourut à la préfecture. « Je vois que vous êtes surpris, mon cher M. Denys, » s'écria le préfet en lui serrant les deux mains. « N'est-ce pas que j'ai de l'imprévu et de l'originalité ?»« Assurément, mais il me semble que... »« Il vous semble que j'aurais dû vous prévenir et vous consulter. C'est cela que vous voulez dire ?»« Ah, cher honnête homme, que vous êtes naïf !» M. Denys était naturellement sérieux. Il aimait peu les plaisanteries, et il ne pouvait pas supporter celle dont il était le sujet. Il prit sa figure des grandes circonstances. « Allons, ne vous fâchez pas, dit le préfet, et faites-moi l'amitié de croire que dans cette affaire comme toujours, je n'ai eu en vue que votre intérêt, votre seul intérêt. Vous savez que j'ai l'habitude de m'occuper moi-même de mes affaires. S'il n'avait été question que d'une affaire commerciale, je n'aurais rien fait sans vous, car vous le premier êtes le premier commerçant du département. » Dans la bouche de M. de Chalus, on était toujours le premier de son département, le premier maire, le premier curé, le premier commerçant. « Mais il s'agissait d'une affaire politique, » continua-t-il, « et en politique, je crois avoir une certaine dextérité de main et d'esprit. » « Mais il faut être trop aimable, mais, puisque vous voulez bien me reconnaître quelques-unes des qualités qui font le politique, je dois vous dire que ce sont ces qualités qui m'ont fait agir comme je l'ai fait dans cette affaire. Quel est mon désir et mon but ? Vous le savez, c'est que vous soyez mon député. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous en parle. Si j'avais laissé l'élection se faire naturellement, que serait-il arrivé ? Le suffrage universel, livré à lui-même, est capable de tout. M. Fosson-Latapie pouvait être nommé. Voyez-vous à quel point ma responsabilité était engagée et le reproche auquel j'étais exposé de la part du ministre ? Latapie a été trouvé bon pour faire un député il y a quelques années. Pourquoi ne le serait-il plus ? Il y a quelques années, on a fait une faute en le choisissant pour vous l'opposer. Maintenant, on ferait une sottise, ce qui pour moi est beaucoup plus grave. Ce n'est pas à vous, président de la Chambre de commerce, membre du tribunal, conseil de la banque, qu'il est nécessaire de donner les raisons qui combattent M. Latapie. Dans un mois, dans 6 mois, il pourrait être un grand embarras pour le gouvernement, qui a la responsabilité morale de ses choix. Cet embarras pouvait vous arriver l'année dernière. Puisque nous avons eu la chance d'y échapper, nous ne devons plus nous y exposer. Pour cela, il était impossible de garder la neutralité entre vous. D'autant mieux que M. Latapie ne se gênait pas pour dire partout qu'il était notre homme. Et ce bruit était confirmé par vos propres paroles, puisque, de votre côté, vous vous défendiez d'être notre candidat. Je ne me parais pas de votre appui, voilà tout. Notez que je ne vous blâme pas. À votre place, j'aurais très probablement agi comme vous. Il est plus agréable d'être aimé pour soi-même que pour les beaux yeux de sa cassette. Il est aussi plus agréable d'être élu pour son propre mérite que pour celui de l'administration. Et dans votre condition, je comprends très bien qu'il y avait un orgueil légitime à dire « J'étais nommé le jour où le gouvernement a donné la liberté aux électeurs ». Malgré l'exemple pernicieux qui pouvait résulter de cette élection, j'étais pour mon compte décidé à donner cette liberté aux électeurs de votre circonscription. Mais les menaces de M. Latapie m'ont obligé à intervenir. Si cet honorable homonyme du rival de Démosthène n'a jamais été la hache d'aucun discours au corps législatif, il est redoutable dans une élection. Je ne pouvais pas me laisser battre par lui. Et comme je n'avais qu'un mot à dire pour le réduire à l'impuissance, je l'ai dit. Auriez-vous voulu que, pour ménager votre susceptibilité, je retardasse l'étude d'un travail que vous avez tant à cœur et qui fera la fortune de votre pays ? Non, n'est-ce pas ? J'aurais mieux aimé que cette étude se fût faite à un moment où il aurait été impossible de la prendre pour une manœuvre électorale. Quand même, c'en sera une, comment la blâmer ? Il y a des circonstances, mon cher monsieur Denys, où nous devons sacrifier nos convenances à l'intérêt du pays. Vous le savez mieux que personne. Vous êtes victime de votre amour pour la Gironde, mais une victime que je ne peux pas plaindre beaucoup, car si d'un côté votre juste amour-propre est fâché, de l'autre, votre gloire doit être flattée. Aujourd'hui, tout le monde sait que si Bordeaux devient jamais un vrai port de mer, c'est à vous qu'il le devra. Qui m'eût dit il y a quelques mois que Saint-Austrobert serait l'instrument dont la Providence se servirait pour accomplir ce miracle ? Comme les choses les plus éloignées les unes des autres s'enchaînent. L'amélioration de la Gironde, votre élection et le mariage de Mademoiselle Marthe avec notre ami, tout cela ne fait plus qu'un maintenant. J'aurais voulu que ces trois choses restassent séparées. Je le pense bien, et c'est pour cela précisément que je ne vous ai pas consulté pour annoncer publiquement que vous étiez le candidat du gouvernement. Si je préviens M. Denys, me suis-je dit, il se défendra. Et entraîné par mon amitié pour lui, j'aurais peut-être la faiblesse de lui céder. Cette faiblesse pourra nous coûter cher. Ne nous y exposons pas. Et comme il y avait urgence, j'ai agi, certain d'avance que vous ne me démentiriez pas. Vous avez eu raison. Seulement, je me trouve obligé maintenant à me donner moi-même une sorte de démenti. Après avoir dit que je me présentais sans le concours du gouvernement, je dois reconnaître aujourd'hui que je profite de ce concours. Cela manque de loyauté, ou tout au moins de franchise, et je n'aime pas cela. Comment cela? Quoi de plus loyal que votre conduite? Dites les choses telles qu'elles se sont passées, mon cher député, et personne ne pourra vous blâmer. Vous ne vouliez pas de l'appui du gouvernement, c'est le préfet qui vous l'a imposé. Chargez-moi, appelez-moi de tous les noms qui vous passeront par l'idée, peu importe, j'ai bon dos et j'en ai vu bien d'autres. De mon côté, je ferai un récit conforme au vôtre en expliquant comment et pourquoi je vous ai choisi et les raisons ne me manqueront pas. N'êtes-vous pas le premier négociant de Bordeaux, le promoteur des travaux de la Gironde? Ne mariez-vous pas votre fille au fils d'un des personnages les plus importants de la cour? De ces divers récits, il résultera un fait certain, c'est que vous avez été choisi comme candidat officiel sans l'avoir désiré ou demandé, et il n'y a pas beaucoup de vos confrères qui puissent en dire autant. Croyez-en un vieux préfet qui a l'expérience du sujet. Vous êtes un phénix, mon cher monsieur Daunis. Ainsi envisagé, la question change de face. Et vous voyez, n'est-ce pas, que je me suis conduit envers vous comme un véritable ami. Maintenant, restez chez vous et n'ayez plus souci de rien. Vous êtes député. Votre affaire est dans le sac, ou plus justement, vos bulletins de vote sont dans la soupière. M. Daunis revint chez lui dans des dispositions autres que celles qu'il avait fait sortir pour aller demander une explication au préfet. Sans doute, il eût préféré n'être point candidat officiel et ne devoir le vote de ses électeurs qu'à leur confiance et à leur estime. Il lui semblait qu'il était digne de cette distinction et qu'il avait assez fait pour la mériter. Mais d'un autre côté, la façon dont la candidature officielle lui était imposée à son insu avait quelque chose de tellement honorable qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en être flatté. Quoi qu'on en pût penser dans le public, il avait la conscience de n'avoir rien fait pour obtenir le concours de l'administration, et cela suffisait à sa fierté. Ce n'était pas lui qui avait besoin du gouvernement, c'était au contraire le gouvernement qui avait besoin de lui. Les blessures qu'il avait reçues autrefois trouvaient là une ample réparation, assez grande et assez belle, pour contenter les plus difficiles. En rentrant, il trouva Saint-Austreberte qui l'attendait, et comme il était dans des dispositions d'humeur où la vue du vicomte ne pouvait que lui être très agréable, il marcha à lui, souriant et les mains ouvertes. Mais il s'aperçut bien vite que Saint-Austreberte devait être sous le coup d'une sérieuse préoccupation. Sa figure était sombre, son attitude gênée. « Que se passe-t-il donc ? » demanda M. Daunis. « Mais je suis peut-être indiscret de vous faire cette question, pardonnez-moi. »« Vous m'encouragez, au contraire, car je suis venu pour vous entretenir d'un sujet qui m'est si douloureux que sans votre interrogation, je n'aurais peut-être pas osé l'aborder. Mais avant tout, je veux vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. Le souvenir de votre bienveillance et de votre sympathie, quoi qu'il puisse arriver, restera à jamais enfermé là. » Saint-Austreberte se frappa la poitrine tandis que M. Daunis le regardait avec stupéfaction. « Vous m'avez autorisé, dit-il, en continuant, à toucher le cœur de Mademoiselle Marthe. Je n'ai point réussi. » « Il me semble, interrompit M. Daunis, qu'il n'y a pas là de quoi vous désoler. Vous avez à peine vu Marthe, et elle ne vous connaît pas. Ces paroles que vous me dites sont justement celles que je me répétais encore ce matin. Mais maintenant, je ne peux plus me complaire dans ces illusions de mon amour. Il faut que la vérité se fasse. » « Quelle vérité? Et sur quoi? Sur qui voulez-vous qu'elle se fasse? Si pénible qu'il me soit de répéter ce que j'ai appris, il le faut, n'est-ce pas? Il paraît que M. Philippe R.M. aime Mademoiselle Marthe. R.M. Allons donc, c'est donc cela? Mais M. Daunis s'arrêta et Saint-Austreberte reprit. Mademoiselle Marthe aime-t-elle M. R.M.? Je n'en sais rien, mais cela est possible, et cet amour m'expliquerait la froideur qu'elle me témoigne. Si cet amour existe, je n'ai qu'à me retirer, malheureux et désolé, après avoir rendu votre parole. Si au contraire il n'y a d'amour que chez M. R.M., je puis encore espérer. Voilà la vérité que je dois savoir et que je viens vous demander. » M. Daunis resta assez longtemps sans répondre, la tête baissée. Quand il la releva, sa face était pâle et ses lèvres tremblaient. « Ce qui se passe dans le cœur de ma fille, dit-il, je n'en sais rien, mais je le saurai. Seulement, ce que je puis vous affirmer en attendant, c'est que M. R.M. ne sera jamais mon gendre, vous entendez? Jamais! R.M. R.M. et de sa main il frappa son bureau d'un coup qui fit voler les papiers. Il eut encore un long intervalle de silence que M. Denis rompit le premier. « Comment donc avez-vous connu cet amour de M. R.M. que moi je ne soupçonnais pas ? » dit-il. « Si vous l'exigez, je vous le dirai, car dans un pareil sujet, vous avez le droit de tout savoir. Cependant, je demande à votre délicatesse de ne pas me questionner, car j'ai promis le secret. Il m'en coûterait beaucoup de manquer à mon engagement. Je ne le ferai que si vous m'y obligez. Gardez votre engagement, ma fille parlera. Alors même qu'elle aimerait M. R.M., ce que je ne peux pas croire, elle ne le cacherait pas, elle est incapable de tromper. J'en suis convaincu, et je crois qu'il vaut beaucoup mieux que vous sachiez tout de sa propre bouche. C'est ce que je veux. Je vais partir immédiatement pour cette opinion. Vous deviez venir demain, je compte sur vous. Ne vaudrait-il pas mieux que je remisse ma visite ? Non. Marthe aura parlé ce soir et demain vous saurez ce que vous voulez apprendre. À demain, monsieur le vicomte. Et comme Saint-Austrebert s'était levé, monsieur Denis alla à lui. Demain. Et quoi qu'il arrive, comptez que vous aurez toujours en moi un ami. C'était un père que j'espérais. Espérez toujours.